Ici Maxime Tremblay de l'Épée légendaire. Bonjour et bienvenue au podcast de Mac Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, il est 9h10 et on est le 13 février. J'ai fait l'introduction du show, les gens disent sur le chat que j'ai fait une crise d'épilepsie. Oui. Donc j'ai fait le Harlem Shake, c'est la nouvelle tendance, si vous ne connaissez pas ça. Après les deux shows, vous irez voir sur YouTube, vous verrez, il y a un paquet de vidéos de cette niaiserie abominable. Je m'en allais à la pharmacie aller te chercher tes pelules. Fait que... oui, YOLO, des fois. C'est ça, you only live once. Donc, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, comme je le disais, ce show où vous posez des questions, où on fournit les réponses et en échange, en échange de vos questions, on vous fournit un code promotionnel pour une application. Et ce soir, une petite Vanna White, est-ce que tu es capable de nous dire quel code? T'es pas prête à ça, hein? Ah, ben pendant que tu parles, je tape frénétiquement. Je regarde moi aussi. on a des codes pour une application. C'est Jonathan Moreau, il faut le dire. Si vous voulez le suivre sur Twitter, c'est Nathan_Infinity avec un Y à la fin. Et c'est lui qui nous trouve en fait et qui communique avec les éditeurs, les programmeurs d'applications pour nous trouver des applications. Et il nous a trouvé quelque chose de pas pire aujourd'hui. Est-ce que tu as le nom, Vincent? Essayer de trouver quelque chose aujourd'hui, à moins que ce soit dans le document. Là. C'est dans le document. En FaceTime? Non, c'est une autre que ça, je pense. Non, c'est Carrot To Do List. Oui, c'est ça. Carrot To Do List. C'est une application de To Do List, sauf que avec une attitude. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que tu as à faire, elle t'insulte. Genre, elle t'engueule. « Hey, tu fais pas... Hey, lazy human. » C'est ça. Fait que c'est ce qu'on donne aujourd'hui. Fait que pour les gens qui ont de la difficulté à faire ce qu'ils ont à faire, ben vous pouvez avoir aujourd'hui la fabuleuse application Carrot To-Do List. Et on en a trois, si je ne me trompe pas, à donner. D'ailleurs, je viens de on a aussi Office Time, si je ne me trompe pas. Je viens de mettre dans le chat pour ceux qui veulent aller voir l'application. Donc, le lien est là. Ou sous la vidéo. Je vous explique brièvement comment l'émission fonctionne. C'est assez simple. Sous le player vidéo, vous avez un bouton qui s'appelle « Soumettre une question » ou « Submit question ». Et vous avez simplement à mettre votre question là et nous, on va pouvoir l'afficher à l'écran. On a toujours des questions qu'on va chercher, soit sur le forum de Mac Québec, qui est en ligne depuis longtemps, mais qui a eu une période où est-ce qu'il était disparu et Marc-Antoine Berthiaume a passé beaucoup de temps à remettre ça en place. Et on a aussi la plateforme Mac Québec Entraide, où vous pouvez aller vous abonner, qui est un bon mix entre un forum et une plateforme sociale. Et si je ne me trompe pas, Jean-Michel Boily est beaucoup là-dessus de ce temps-ci à répondre à des questions. Donc, vous pouvez aller poser vos questions là. Et nous, si le show ne roule pas assez, si les gens qui sont avec nous ne posent pas assez de questions, à ce moment-là, on va chercher des questions là-dessus pour y répondre. Donc, voilà. Messieurs, vous avez passé une bonne semaine? Oui, à part aujourd'hui, j'ai eu un méchant mal de tête, là, mais bon. Donc, une chance, je suis là. Probablement que tu as été dans une zone où est-ce que tu n'avais pas de Wi-Fi. Je sais que tu es comme moi. Puis quand il n'y a pas de zone, moi, il y a un petit bout à Laval puis à Pointe-Calumet. Quand je passe là-dedans, il y a zéro signal, là, je deviens mal. Ouais, c'est vraiment pas bon pour ma santé. Juste au coin de chez nous, Saint-Michel puis Mont-Royal, là, tu passes là avec ton cellulaire, là, ça coupe. tout le temps. Il n'y a plus rien. C'est une dead zone. Le gars n'a pas compris qu'il fallait que les cercles ils se passent un à travers de l'autre. Là. C'est comme ça. Là, à couvre. C'est ça. Fait que faites jamais d'appel au coin Saint-Michel puis Mont-Royal. Moi, j'ai transféré vers Fido, mon iPhone. Mm-hmm. Avant, je pouvais faire des appels très bien dans mon sous-sol. Maintenant, je ne reçois rien dans mon sous-sol. Transférer vers un service qui me donne des appels illimités, c'était pour appeler genre à Montréal, à Québec, pour les affaires dans mon bureau au sous-sol. Donc là, je suis comme obligé de monter avec mon ordi. Fait que, c'est pas aussi pratique qu'avant. Là. Clairement pas. C'est donc bien bizarre. Ouais, fait que c'est... J'ai peut-être un truc. J'ai peut-être un truc pour toi. Je viens de recevoir des nouveaux téléphones. Ceux qu'on avait à la maison là, commençaient à... Tu sais, t'échanges quand les piles sont plus bonnes. Parce que ça te coûte moins cher de toute façon acheter des nouveaux téléphones que des piles pour mettre dedans. Exact. Celui que j'ai acheté, c'est un modèle de Panasonic, je crois. Et il y a une fonction assez particulière dedans qui est de pouvoir le linker avec ton téléphone cellulaire. Donc, ce que ça fait, c'est que tu links, c'est linké en Bluetooth, et quand ton téléphone cellulaire sonne, ben en fait, tes téléphones de maison deviennent simplement des oreillettes Bluetooth pour ton téléphone cellulaire. Donc, dans ta situation, Vincent, ce que tu pourrais faire, c'est quand tu vas travailler, tu laisses ton téléphone cellulaire en haut, tu amènes un combiné en bas, le téléphone cellulaire en haut reçoit l'appel, mais tu le reçois en bas grâce à ton combiné. Donc, tu peux répondre. J'ai remarqué aussi... je le mets plus proche de la fenêtre avec un fil, mais avec un micro comme à mon écouteur, il est capable de passer. C'est dès que je le tiens dans mes mains que là, c'est fini. Fait que si jamais... Fais un chapeau comme... ou fais-toi un chapeau en aluminium. Des gants aussi. Papier d'aluminium, oui, aussi. Un chapeau en papier d'aluminium. Puis là, tu tords un morceau d'aluminium dans la bouche puis tu le connectes à ton téléphone. Je suis sûr que ça va aider à la réception. Ah, ça va être très beau aussi. Je veux une photo. Oui, moi aussi. Je vais le tweeter. On dit qu'il existe aussi des boosters de signal, mais moi, je pensais que c'était des... Il y avait ça aux États-Unis, des femto ou quelque chose comme ça, la technologie femto, qui était en fait des espèces de routeurs dans des femcells, exactement. Merci, Matthew. Et ce sont des petites boîtes... en fait, qui remplace une antenne. Mettons que tu es dans une zone où est-ce qu'il n'y en a vraiment pas de signal, ben, tu installes ça et puis cette boîte-là émet du GSM. Donc, tu peux avoir un service, mais ce n'est pas disponible au Canada. Donc, je vais parler peut-être après le show avec Eric. Je sais que j'ai des clients. J'ai un client, entre autres, qui est dans un sous-sol d'église et il n'y a aucun maudit cellulaire qui rentre là-dedans. Fait que s'il y a des boosters, j'aimerais ça... peut-être voir ça. Il vit dans un sous-sol d'église? Moi, j'aurais cette question-là. Il vit pas les églises tranquillement, pas vite. Tu sais, si le pape démissionne, si ton boss veut plus être là, c'est parce que ton infrastructure en bas, tu sais, les deux gars sont restés chez BlackBerry, puis ça a chié pareil. Là, le boss de l'église s'en va, ça va pas bien. Les églises, en fait, à Montréal, sont de plus en plus vidées pour être transformées en loft ou d'autres choses. Puis cette compagnie-là, c'est une compagnie qui a ses bureaux dans le sous-sol d'une église. C'est vraiment cool, c'est chouette, ils ont plein d'espace, mais les cellulaires ne rentrent pas. Parce que, tu sais, des murs d'église, c'est ça, des pins. Ben, c'est ça, c'est en béton armé. Voilà. On commence ça avec les questions, messieurs, êtes-vous prêts? Oui. Avez-vous pris du temps pour regarder les questions puis aller comme ouvrir 3-4 onglets pour essayer d'avoir des réponses? Bon, on va commencer par la première. Je te laisse mettre ça en ligne, Jeff. Oui, on a une question de Mathieu, de son iMac 2011. Son iMac fait un bruit comme un criquet. Ça fait 7 mois que ça dure et qu'un truc qui tourne, dois-je le faire checker? Est-ce que c'est grave? J'ai checké rapidement sur Internet pour bruit de criquet. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, quand tu dis il y a un bruit de criquet, ben c'est assez reconnaissable. Et quand tu tapes iMac, bruit de criquet ou cricket sound sur Google, il y a des threads de forum qui datent de 2006. Hey boy! Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça peut être. C'est difficile à juger. Bon, ça provient d'où dans la machine? Souvent, là, un truc niaiseux, si on oublie un CD dans l'appareil, le lecteur CD passe son temps à faire des checks sur le CD que tu as laissé à l'intérieur. Donc, peut-être l'enlever, mais bon, c'est une hypothèse, là. Je ne pense pas que ce soit ça. Sinon, est-ce que tu dois le faire checker? Bien, es-tu encore sous garantie? As-tu un Apple Care? Moi, je ne me priverais pas, si tu as un Apple Care, de l'apporter à un magasin puis de le faire vérifier. Oui, puis moi, j'ai à peu près le même problème avec mon iPhone. Quand j'ai mes écouteurs, de temps en temps, quand il n'y a pas de musique, des fois, j'entends une espèce une espèce de bruit de roue qui tourne mais rouillée, là, une espèce de bruit de criquet, on dirait, là, avec mes écouteurs. Puis c'est avec tous mes écouteurs. Ce n'est pas seulement ma paire d'écouteurs. Oui, c'est ça. Peut-être quand même l'amener au Apple Store, prendre un rendez-vous avec les génies, ça ne coûtera rien, puis ils vont peut-être être capables de voir. Et peut-être que le problème que tu as est sous un rappel, ce qui ferait que même si tu n'es pas sous garantie, il ferait quand même le changement de pièce parce qu'il y a eu peut-être un nombre trop grand d'ordinateurs qui ont eu ce problème-là, puis ils se sont dit si on se fait poursuivre, ça va nous coûter plus cher que si on dit ben il y a un rappel et on change les pièces. Ça arrive des fois. Chez Apple. Tu peux aussi aller vérifier sur le site web s'il y a un rappel pour ces modèles-là spécifiques. Mais bruit de criquet, je pourrais pas te dire exactement. Si ça vient du disque dur, ben c'est sûr que te faire changer le disque dur le plus rapidement possible serait une bonne chose. C'est des machines habituellement qui sont silencieuses et qui sont pas supposées faire ce genre de bruit-là. Je suis sur le site d'Apple sur les recalls et le seul problème qu'il y a, c'est encore les disques durs. Un terabyte de Seagate. Là. OK. On leur dit salut. On leur dit salut. Oui, salut. Donc, ça peut être un problème de ventilateur aussi, des fois, s'ils sont... parce que l'ordinateur date de 2011, mais lui dit que le problème date de 7 mois. Donc, c'est un problème qui est arrivé par la suite. T'sais? Puis, il était comme 7 mois, il était en 2012, il était peut-être déjà plus sous sa garantie. Mais ça vaut la peine d'aller voir au Apple Store pour ce genre de problème-là. Ils vont te dire qu'est-ce que c'est. Si c'est un problème de disque dur ou si c'est un problème de ventilateur, ça se change relativement facilement. Puis tu peux peut-être voir avec sans acheter nécessairement de chez Apple ce qu'ils vont te vendre un prix. Mettons, c'est un disque dur, ben fais-le pas réparer chez Apple. Fais-le réparer chez un réparateur autorisé à Apple, mais qui n'est pas un Apple Store, par exemple, comme la Coop Informatique, le Mac Urbain, où il y a d'autres centres à Montréal qui le font, effectivement. Donc, à ce moment-là, tu peux aller là. Eux vont te vendre un disque dur Western Digital à 100$, puis ils vont l'installer dans ta machine, donc ça va te coûter moins cher que chez Apple. Juste faire une parenthèse, pour ceux qui s'en vont sur le forum, je vois en ce moment deux messages. Ceux qui veulent vendre du matériel informatique, mais de produits Mac. Allez pas sur le forum, allez sur lesmac.com. Avant, évidemment, là, quand on avait notre forum, les Mac, on n'avait pas les... N'existait pas. C'est ça, exactement. Les Mac, ça fait peut-être un an et demi qu'on a ce partenariat-là. Donc, allez sur les Mac, c'est beaucoup plus facile, puis c'est fait exprès pour ça. Les personnes vont aller plus sur les Mac pour consulter puis acheter des produits que aller directement dans les forums puis poster un message. Donc, un petit truc... On a effectivement d'excellentes statistiques sur Mac Québec. On est bien content de l'entendre puis de ce qu'on a fait avec ces gens-là. C'est Dominique qui s'occupe du site et il le fait très bien. Hey, j'ai pas été assez vite. Une petite parenthèse là, en parlant des Macs. J'ai été sur le site un moment donné puis c'était déjà vendu, là, mais il y avait une Apple TV deuxième génération. Je l'ai vu, elle a été vendue à 75$. Elle vaut 250 peut-être sur eBay. C'est parce qu'elle se jailbreak encore. Fait que quand j'ai vu ça, genre non, je l'ai reçu. Puis, tu sais, le gars qui l'a acheté, là, c'est peut-être même pas, tu sais. Non, c'est ça, tu sais. Imagine, le gars qui l'a vendu, c'est sûr qu'il le sait pas. Oui, c'est ça. Parce que dommage, mais bon. On demande c'est quoi l'URL pour les recalls sur le site d'Apple. Ouais, attendez un peu, je vais... Je vais le mettre. Continuez, je vais vous le retrouver. Je vais aller voir sur mon historique. Pas de problème. Justement, IM Chemical nous dit que sa librairie iTunes semble disparaître souvent. Dans son dossier de musique, je semble avoir un autre fichier iTunes Music. Donc, ça semble le problème, sauf que je ne veux pas dealer avec des doublons. Solution. D'abord, en fait, ma première question serait, est-ce que tu souscris au service iTunes Match de Apple à 30$, 27$ par année? Ça pourrait venir de là. Moi, je sais que j'ai beaucoup de problèmes avec iTunes Match qui semble se déconnecter, se reconnecter. Mais non, c'est un bon service, là. Oui, oui. Avec les quotes ironiques de chaque côté de ton... Oui, c'est ça. Donc, ça pourrait être ça. Sinon, dans le dossier, effectivement, il y a souvent un dossier qui s'appelle iTunes Old ou Old Library ou quelque chose comme ça. C'est pas à effacer en tant que tel. Ça pourrait briser, en fait, carrément ta bibliothèque. C'est peut-être pas une bonne idée de jouer avec ça. Ce que tu pourrais faire, c'est simplement créer une nouvelle bibliothèque. Je ne sais pas si c'était sur PC ou sur Mac, mais pour créer une nouvelle bibliothèque, Jean-François, tu te souviens-tu? Moi, j'avais une autre solution, là. Ah, vas-y. C'est de prendre ton fichier, ton dossier iTunes, tu le remets, tu changes le nom, là, mettons iTunes 1, là, mettons. Là. iTunes Old. Old, là, mettons, ouais, whatever. Vous changez le nom, ça n'a pas d'importance. Puis vous allez repartir Windows iTunes, puis il va faire il va créer une nouvelle librairie automatiquement parce que son dossier n'est plus là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous allez ouvrir iTunes, je ne sais pas s'il est sur PC ou Mac, là, mais si vous ouvrez sur Mac iTunes, vous appuyez sur la touche Alt, puis là, il va vous demander quelle librairie voulez-vous aller chercher. Là, vous allez chercher la librairie qui est dans votre ancien dossier que vous avez, mettons, nommé iTunes Old. Vous allez chercher cette librairie-là. Il va l'importer dans une nouvelle librairie. Et le fichier XML va se transférer automatiquement de l'ancienne à la nouvelle librairie. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais... Oui, ben tu les dragues sur iTunes, c'est ça? T'as pas besoin de dragging. Il va okay. C'est un choix qui va te donner quelle librairie choisir que tu peux choisir. Si mettons si tu tiens Alt, là, je vais vous le dire, je vais le faire en même temps. Là. C'est tu as le choix de créer une nouvelle librairie ou de choisir une librairie. OK. Puis si mettons vous faites choisir une librairie, vous appuyez dessus, puis là il va vous demander d'aller parcourir votre dossier iTunes. Et dans votre dossier iTunes, il y a un fichier qui s'appelle iTunesLibrary.itl. Ça, c'est la librairie qui est votre ancienne librairie. Là. C'est le fichier qui a besoin pour que ça fonctionne. Fait que vous appuyez sur ce fichier-là et il va créer une nouvelle librairie. Ça peut peut-être régler le problème, là, parce que moi, j'ai jamais eu ça de problème de doublon de fichiers dans mon dossier iTunes. Là. En fait, lui, il dit qu'il veut pas dealer avec des doublons, mais c'est plus que sa librairie disparaît. Ah, elle disparaît? Ah, elle disparaît? Oui. Sur Mac. Donc, quand il ouvre iTunes, il dirait, en fait, j'ai mes tunes, mais à travers cette liste, j'ai un autre fichier. Qui s'appelle iTunes Music. Oui, c'est vrai, Bernard nous rappelle que... Moi, ce que je suggérerais peut-être, c'est de faire une consolidation de ta bibliothèque. Donc, quand tu es dans iTunes, tu vas dans le menu Fichier et, juste une petite seconde, c'est Fichier, Bibliothèque ou Library et tu fais Organize Library. Et là, il devrait, en fait, comme... la monter correctement. Fait que même si tu as des dossiers bizarres qui semblent pas à la bonne place ou des trucs comme ça, ben lui, il va aller les chercher à l'intérieur de ton dossier. Donc, ça peut peut-être aider. J'espère que ça te donne des pistes. C'est un problème un peu bizarre, par exemple, que la librairie disparaisse. Ouais, c'est ça. C'est ça, je comprends pas. Parce que le dossier. Si elle disparaît une fois. Elle va disparaître une fois, puis tu n'auras plus de chansons. Là. C'est ça. Surtout si tu n'as pas d'iTunes Match, là, comme nous autres. Là. Voilà. Bon. On a une maudite bonne question ici. J'ai essayé de lire un peu. J'avoue ne pas utiliser ces fonctionnalités-là beaucoup, beaucoup. Quelle est la différence entre un dynamic link et un alias? Savez-vous, c'est en fait, il ne veut pas dire un dynamic link. C'est pour les courriels, c'est un... Non, c'est un... ce qu'il veut dire, c'est un symbolic link. Donc, un alias, en fait, c'est un raccourci, OK, simplement, qui est two-way. C'est-à-dire que si tu cliques sur le raccourci, il est rien, il contient rien, il vaut rien. C'est vraiment comme un URL qui t'amène vers un autre dossier. Un symbolic link, c'est un petit peu autre chose. C'est comme si tu disais à un dossier, je veux que tu existes à deux endroits en même temps. Donc, tu peux faire un symbolic link et, par exemple, bon, je vais te donner un exemple. Comme Dropbox. Ça ressemble à Dropbox. Oui, ben, en fait, tu vas comprendre. Safari sauvegarde les signets dans un dossier qui est situé dans ta librairie en quelque part. Je ne me souviens plus si c'est dans Application Data ou ailleurs. Mais avant que bon, il améliore tout ça, si tu voulais faire une synchronisation de tes signets, tu pouvais utiliser Dropbox, mettre un symbolic link dans un dossier et en fait, ouais, c'est ça. Tu mettais un symbolic link dans les deux ordinateurs à la place où est supposé être le dossier. Tu mettais ton dossier de signet dans Dropbox et à ce moment-là, ce dossier-là qui se synchronisait envoyait les trucs aux deux endroits ailleurs dans l'ordinateur. C'est pas super clair, là, mais... Mais comment tu crées ton symbolic link? C'est ça l'affaire, c'est que tu as besoin d'un logiciel pour le faire ou d'une commande via terminal. Okay. C'est pas dans un des menus. Donc, tu as des logiciels qui te permettent de créer des symbolic links. Oh. Donc, tu sélectionnes le dossier, tu pars le logiciel, puis tu dis « fais-moi un symbolic link de ça ». Puis lui, en fait, ben c'est une version graphique de la ligne de commande qu'il faut que tu tapes, que je connais pas par cœur. Là. Mais ça te permet de faire ça. Fait que ça te permet d'avoir comme deux inhérences du même dossier à deux endroits en même temps. Donc, s'il y a un changement qui s'opère en quelque part, il s'opère à l'autre place. Ah, OK, ouais. OK, c'est pour ça, Vincent, que tu as dit que ça ressemble à Dropbox. Là. OK, je viens d'allumer. Là. Mais okay. À l'intérieur de la même machine. À l'intérieur de la même machine, oui, exactement. En local. En local, oui, OK. Dropbox, ça s'envoie sur un serveur. Sur un serveur, oui, c'est ça. OK. J'espère que ça répond à ta question. Puis s'il y a des gens qui sont plus calés ou qui ont une meilleure explication que ce que je viens de donner, n'hésitez pas à nous donner un lien dans le chat. En tout cas, moi, je savais pas c'était quoi, puis tu l'as expliqué, puis j'ai compris. Cool. Ouais. Vincent, est-ce que tu t'occupes, notre cher Vanna White, tu t'occupes de contacter les gens qui nous posent des questions pour leur donner les codes? Pour le code, oui. Parfait. Puis oublie pas dans le document de les mettre en rouge, genre, ou plus en vert pour qu'on se souvienne qu'on les a donnés. Ouais, ben on en a deux, donc les deux premiers. OK, next. Francis nous demande pourquoi Apple serait supposément supérieur à Android. Ça ressemble à une question de troll. Je pense que oui, moi. C'est pas supposément supérieur. C'est une question de préférence, je te dirais. La première chose, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que Android est un système d'exploitation qui est développé par Google et qui est revendu sous licence à des fabricants de téléphones. Donc, ces compagnies-là qui fabriquent des téléphones, les fabriquent d'une certaine manière. Bon, ils peuvent mettre une certaine qualité d'écran, ils peuvent mettre une certaine qualité de scanner pour le touch. Des fois, ils veulent faire des téléphones qui sont moins chers, donc ils vont avec de la matière qui est plus cheap, tout ça. Et ils ont un système d'exploitation qui est développé, que les gens ont adopté, tout ça, et qui ont décidé de mettre sur leur téléphone. Donc, ces fabricants-là, pour faire de l'argent, doivent te vendre un nouveau téléphone. L'avantage d'Android, c'est que c'est un système qui est ouvert. Donc, des gens qui sont bidouilleurs, qui aiment ça farfouiller, habituellement, qui sont aussi des utilisateurs de Windows, qui aiment ça faire leurs propres interfaces, qui aiment ça jouer avec, avec les icônes, qui aiment ça aller bidouiller dans la base de registres, vont préférer fonctionner avec Android, qui est l'équivalent dans les années 70 d'avoir une minoune, si tu veux, ou un auto. Bon, minoune, c'est peut-être péjoratif, mais d'aller jouer dans le moteur, de le défaire, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mm. Apple, eux, ont utilisé le même système ou la même mise en marché, si tu veux, que leur ordinateur. Donc, ils ont fait un software, ils ont fait un système d'exploitation. Et ce qu'ils se disent à Apple, c'est pour pouvoir avoir le contrôle le plus élevé, avoir un système qui fonctionne le mieux avec l'équipement qu'on fournit, qui n'a pas de problème de pilote, puis de ci, puis de ça, ben, il faut contrôler la machine qui est fabriquée. Donc, il y a très, très longtemps, Apple a fait des clones et ils ont failli en mourir. Donc, depuis, en fait, ils contrôlent la machine qu'ils fabriquent. Puis ils se sont dit, tant qu'à faire, à cause des Hackintosh, là, mais ouais. c'est pas fiable non plus, un Hackintosh. D'autres choses aussi qu'on dit, parce que bon, les gens qui sont, les 29 personnes qui sont dans le chat en ce moment sont des amateurs de Mac, donc c'est sûr qu'ils vont aller chercher les peut-être les défauts de la plateforme Android. Donc, quand tu achètes un téléphone Android, souvent tu vas avoir une interface ajoutée par le fabricant du téléphone pour te donner des espèces de petites fonctionnalités. Et rarement, ça arrive, mais rarement ces fonctionnalités-là ou cette surcouche-là est vraiment fiable. La plupart du temps, ce que les gens font, c'est qu'ils rootent leur téléphone, c'est-à-dire qu'ils utilisent un logiciel pour enlever la version qui est donnée avec le téléphone pour mettre une version plus pure du système d'exploitation. D'ailleurs, ça a forcé éventuellement Google à faire des alliances avec des fabricants, mais pour la plateforme Nexus. Mais dans le cas de Nexus, c'est Google qui dit vous fabriquez le téléphone de telle façon, avec tel type de composante et de telle qualité, puis vous allez le vendre tel prix. Fait que là, les compagnies décident s'y embarquent ou pas, parce que habituellement les marges de profit sont très minces sur ces téléphones-là, mais ils vont en vendre beaucoup, donc ils vont vendre au volume. On dit que, vu que le système est ouvert, vu qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de la distribution des applications, il y a beaucoup plus de virus qui peut se promener sur Android que sur iOS. Il y a eu quelques petits épisodes sur iOS, des gens qui ont trouvé des failles, mais ça s'est résorbé très, très rapidement, alors que c'est un problème qui est continu sur la plateforme Android. Donc, il faut mettre un antivirus sur un Android et ou savoir ce qu'on fait. Là. Mais tu sais, si on ne sait pas ce qu'on fait, met un antivirus. Google, par exemple, était quand même assez rapide pour enlever le crapware quand c'est reporté. Là. C'est rapporté. Si vous expérimentez là, un problème avec une application qui ne fait pas sa job, rapportez-le, comme ça, ils vont pouvoir l'enlever le plus rapidement possible. Là. C'est une bonne chose. Moi et Jean-François, on a toujours été iPhone. Toi, tu as fait un petit moment avec une plateforme Android. Vincent, je sais que tu... D'Android, oui. Tu l'aimais pas, ou en fait, c'est ce que souvent tu as dit, mais finalement, est-ce que tu as appris à vivre avec? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as vus que tu te dis, ouais, ça, finalement, ce sont de bonnes idées, j'aimerais ça avoir ça sur mon iPhone? Non, pas vraiment. Écoute, là, je peux vraiment, si ça me fait lâcher Android, parce que je vis avec constamment. Qu'est-ce que j'aime? La seule affaire que je trouve pratique, c'est la barre, l'espèce de barre de navigation qu'on glisse, là, puis on descend. Sur iPhone, ils l'ont apporté à iOS 4 ou 5, puis ça permet de voir la météo, puis la bourse, puis des notifications. Mm-hmm. Sur Android, c'est beaucoup plus, y a beaucoup plus de choses qui peuvent être ajoutées à ça, dont les préférences sont accessibles par là. Moi, je trouve ça pratique pour accéder aux paramètres, pour faire un partage de connexion, par exemple. Moi, j'utilise cette fonctionnalité-là. Mais à part ça, les applications, là, ils sont laides. Il faut le dire, c'est programmé en Java. C'est programmé en Java, donc ouais. les librairies ne sont pas développées pour être belles, pour offrir des nouvelles fonctionnalités. C'est du Java, en fait. Ce sont ce sont des glorified widgets, si tu veux, là, tu sais, des widgets glorifiés, tu sais. Par contre, au niveau de l'application, c'est ça, c'est en Java. Par contre, il y a des classes faites pour l'Android, puis il y a des API pour Android. Mais le comment Android est fait, comment le genre d'application est fait, tu sais, je sais pas, moi j'aime pas ça. Puis les boutons aussi en bas, là, je m'accroche souvent quand je tiens mon téléphone, puis ça recule vers une autre application que j'utilise. Ou tu sais, Twitter, au lieu de changer d'onglet, ben, quand tu envoies un tweet avec l'application officielle, ben, il faut que tu recules au lieu de cliquer en bas dans l'espèce de barre d'options. Il faut que tu cliques sur le bouton reculer précédent, puis ensuite tu peux changer. C'est toutes des petites affaires que je trouve un peu bizarres. Sur iPhone, c'est fait pour que ça soit beau. Puis c'est comme sur Mac. Sur Mac, c'est très beau, mais c'est fermé. Puis ben, il y a un prix, c'est justement le fait d'être fermé. Ça a l'air niaiseux de dire que les applications sont belles, dans le sens où, tu sais, ouais, ben, c'est de l'informatique, ça n'a pas besoin d'être beau. Non, ça donne envie de l'utiliser. Ça donne envie de d'être avec le logiciel. Ça, t'sais, une application RSS, moi j'ai vu du monde cette semaine, on en a discuté un peu, puis il y a des gens, entre autres FDL, qui utilisent sur OS X NetNewsWire. Et moi j'utilisais sur iOS Reader, et quand il est sorti pour OS X, pour Mac, j'ai décidé de le prendre. Et ce qu'il disait, c'est oui, mais NetNewsWire est hautement plus rapide à synchroniser, à faire tout ça. Puis il y a des petites fonctionnalités que lui aimait mieux. Donc, lui, il est allé plus avec les fonctionnalités. Mais moi, ça reste quand même important que le logiciel soit joli. Ça me donne envie de l'utiliser. Des logiciels comme Tweetbot, des logiciels comme Reader, le nouveau 1Password sur iOS ou sur iPad est écœurant. Malade. Vraiment beau. Donc, La seule affaire qui me manque dans 1Password, c'est le mode recherche. Il n'y a pas de recherche. Non. Tu sais, j'en ai tellement des mots de passe que dans l'autre version, la version 3, il l'avait. Tu sais, tu fais juste descendre, puis là, tu avais search, mais dans celui-là, ils l'ont pas mis, puis je l'aurais écrit, mais ils m'ont pas répondu encore. Bon. Ils savent pas t'es qui. C'est ça. Exactement. Ils savent pas comment le temps qu'on pourrait faire à notre émission. Ouais, c'est ça, tu sais. On est quand même big, là. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, on va passer à un autre. Hein? Big parce qu'on mange des Cheetos. Mm-hmm. Ben, en tout cas, moi, je suis big, Vincent, un peu moins. Ouais, je suis moins maintenant, ouais, exactement. Ouais. Mélissa nous pose une question. On met ça en ligne, les boys? Ouais. Put on screen. Parfois, quand je synchronise mon iPhone sur iTunes, les lectures de certaines chansons s'effacent. Une chanson passe de 15 lectures à 0 lecture. Est-ce qu'il y a un bug à propos de ça? OK, moi je comprends. Un peu, là. Pourquoi ça ferait ça? Je sais que les lectures ne s'ajoutent pas si tu n'as pas écouté la chanson au complet. C'est ça. OK, mais est-ce que, mettons que mettons que tu n'écoutes pas une chanson au complet 15 fois, il calcule ça comme moins 15, puis il fait comme un calcul poche. Je ne suis pas certain. Écoute, c'est un bug que tu rencontres. Comment ça s'appellerait? Bon sang. Il faudrait faire une recherche. Vincent, tu peux-tu prendre ça en note, puis on va essayer de faire la recherche, puis de revenir au prochain show avec la réponse, puisque là, faire une recherche live là-dessus, ça serait un peu plate. Là. Sur sa question? Oui. Ouais, parce que c'est bizarre. On va prendre en note, on va aller fouiller là-dessus. Parfait, je vais la noter. Ah ben, tu vois, mon copier-coller ne fonctionne pas. Bon, je vais le faire, je vais le copier. OK, merci. Ah, il fonctionne. Désolé, pas là, Mélissa, c'est une bonne question, on va te revenir. Ça arrive fréquemment avec des chansons que j'ai achetées sur iTunes. Pourquoi les chansons qu'elle achèterait sur iTunes auraient ce bug-là puis pas d'autres? C'est des AC. Non, je vois pas vite comme ça qu'est-ce qui pourrait causer le problème. Donc, on va fouiller puis on va te revenir avec ça. Attends un petit peu. Ça m'est arrivé 2-3 fois, par exemple. Ah oui? Ouais, ça m'est arrivé. Oui, Jean-Michel offre une bonne solution. Peut-être poser la question sur Mac Québec Entraide. Effectivement, ce serait une bonne chose. parce que ça pourrait faire bénéficier les gens qui auraient le même problème que toi, la réponse, si jamais il y en a une. Oui, puis ah. Moi, j'ai réglé mon problème. Quand j'ai fait un update d'iOS, j'ai eu ce problème-là. Puis j'ai été obligé de réinitialiser mon iPhone pour que ça règle le problème. Bernard vient de mettre un lien dans le chat. Merci, Bernard. Sur le forum d'Apple, il y a comme 103 réponses à cette petite question-là, fait que ne doit pas être la seule. Il y a 5 questions dans son en question du gars. Ouais. Bon. Donc, on va lire ça. On va te revenir la semaine prochaine avec ça. On va lire ça. Vas-y. On va checker. Prochaine question de Yann. Pour un Mac Mini dernière version 2012 i7 2.3, devrais-je ajouter en premier un SSD ou de la RAM, principalement pour plus de rapidité dans Final Cut Pro? Ma réponse va être vraiment plate, mais ce que tu devrais faire, c'est probablement vendre la machine et aller te chercher un iMac avec une carte vidéo dedans. Ouais. Ta carte vidéo va donner le... Parce que ton processeur dans un ordinateur, c'est un processeur qui est généraliste, tandis que maintenant, avec les logiciels de montage vidéo comme ça, qui prennent la carte vidéo et qui sont capables de faire des calculs, la carte vidéo devient une excellente aide à tous ces calculs-là qui doivent être faits. La carte vidéo est spécialisée en calcul pour la vidéo. Donc, moi, ce que je te suggérerais, c'est peut-être de faire un upgrade à une machine qui a une carte vidéo d'abord. Ils viennent de l'acheter, on s'entend. Oui, clairement, là, il est 2012. Et la deuxième chose que je ferais au niveau de... J'augmenterais la RAM. J'irais probablement plus avec la RAM qu'avec un SSD pour ça. Parce que, en fait, de toute façon, tu vas travailler le disque dur, tu vas travailler sur un disque externe pour tes footage. Fait que ça ne sert à rien vraiment le SSD. Le logiciel est loadé en mémoire quand tu l'ouvres. Fait que ça serait plus avec de la mémoire vive que j'irais, puis m'assurer d'avoir une carte vidéo. Je me trompe-tu ou il y a des... Pourquoi... En tout cas, il y a des Mac Mini qui sont sortis avec une carte vidéo. Ça se peut-tu? Non, c'est toutes des Intel HD 4000. Oui, en ce moment, c'est ça, mais la génération d'avant, ça se peut-tu qu'il y avait un des modèles que tu pouvais le commander avec une carte vidéo? Laisse-moi checker. OK, je te laisse regarder ça. Sinon, Jean-Michel, Bernard ou Patrick là, pourraient nous dire ça dans le chat, mais il me semble qu'il y avait une machine qui avait une carte vidéo. Peut-être que c'est ce que tu as, et à ce moment-là, tu aurais simplement à rajouter de la mémoire dedans, mais sinon, la première chose que je ferais, parce que pour Apple, le Mac Mini est une machine d'entrée de gamme. C'est une machine à tout faire pour monsieur et madame tout le monde. C'est un ordinateur que beaucoup de gens ont adopté pour faire un media center, mais ce n'est pas l'idéal pour faire du montage vidéo, le Final Cut. J'ai la réponse. Ah, vas-y. C'est les Mac Mini milieu 2011. Il y avait une carte AMD Radeon 6630M dedans avec une HD 3000 d'Intel intégrée. Ah, il y avait les deux. Il y avait les deux. Je ne sais pas si on peut recommander cette machine-là pour faire du Final Cut. Je vais juste aller en plus avec un Mac Mini. Je vais aller faire un petit test. Je vais juste aller m'acheter, mettons, mais pas m'acheter là. Un Mac Mini serveur. Moi, le retourner 14 jours avant. Non, même le Mac Mini serveur, on ne peut pas changer la carte vidéo. Non, absolument pas. Fait qu'on ne peut pas. Il y a des disques durs, fait que moi, je pense pas qu'il y aurait mis une carte vidéo plus performante en plus. Parce que dans mon logiciel Mac Tracker, la version 2010 du serveur avait deux cartes vidéo. Okay. Ah, OK. Plus les deux disques durs, fait que elle devait être plus petite. Souvent, les Mac Mini, c'est utilisé quand on fait la conversion Windows. Pour les personnes, monsieur, madame, tout le monde, là, s'ils veulent tous s'équiper Mac, ils font tout le transfert, mais souvent, quand ils ont un écran, un clavier, une souris, tu achètes juste un Mac Mini à 600$ puis tu as fait ta conversion vers Mac. Ou comme ce que je vais faire un Media Center avec moi. Aussi. Mais c'est pour ça, lors des dernières sorties, là, quand ils ont annoncé les MacBooks, tu sais, quand ils ont sorti, à peu près, plein d'ordinateurs, ils ont tout mis à jour en même temps. Moi, j'aurais espéré qu'ils sortent un Mac Mini Pro. Ça aurait été le fun. C'est ça aurait été comme le cœur d'un iMac, que tu rajoutes à ta propre écran, mais Apple ne veut pas vraiment aller là-dedans. Ils veulent que tu ailles vers leur ordinateur qui est beau, le flagship desktop qui est le iMac. Mm. Je peux comprendre, mais j'aurais aimé ça voir un ordinateur. Puis tu vois, j'ai appris récemment qu'il y avait une carte vidéo dans certains Mac Mini, mais si ça date de 2011, c'est peut-être un petit peu trop vieux pour le recommander puis dire, ben avec ça, la carte vidéo va comme te donner un edge pour le Final Cut. Mm. Oui, puis tu vas supporter peut-être quoi, une version de système de plus. Si je, quand on va aller, quand, en ce moment, on est à 10.8, ben, si, quand on va arriver à 11 ou à une autre version, peu importe, risque de pas supporter. Là. 10.9 Nyan Cat Edition ou Grumpy Cat Edition. Je parle peut-être prochain. Plus après, mais ouais. Mmh. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié. C'est con. Pour son Mac Mini. Désolé. Trop tard. Bon, on passe à une autre question. On va passer à la question de Maxime Savoie-Chenard. J'ai un iPhone 4 sous 5.1.1 et j'hésite encore à aller vers iOS 6. Pourquoi? Ça, je sais que ça roule pas très bien sur les 3 points, sur les iPhone 3S, là, mais iPhone 4, c'est quand même pas si mal. Tu sais, il y a des fonctionnalités que tu n'as pas, mais ça fonctionne quand même bien. Toi, tu as un 4, Vincent? Oui, j'ai un 4, puis ça fonctionne très bien. Good. Tu as ta réponse? Pour du développement, fait que s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, j'aurais pas pu l'utiliser. En fait, c'est juste, il y a Siri, puis... il y a le 3D map qui ne fonctionne pas non plus. Mm-hmm. Mm. Mais c'est tout. C'est des fonctionnalités qu'il n'y a pas, mais le reste des fonctionnalités, ça ne ralentit pas le téléphone. Non. Le téléphone ne ralentit pas. Puis, regarde, ma batterie, là, mon téléphone, on dirait qu'il s'améliore sur ma batterie. C'est rare à dire, mais regarde. C'est rare d'entendre ça, oui. Je sais pas. Parce que des fois, je peux partir de chez moi. J'ai fait 4 heures de cours, puis je regarde mon téléphone, puis il est à 98%. Là. Il est chanceux. En écoutant mon cours. Une des affaires pour la batterie, là, faire un petit aparté, une des affaires pour la batterie que les gens oublient souvent, c'est que tu changes de téléphone, OK, puis tu remets toujours la même copie dedans, puis tu le fais évoluer, tout ça. À un moment donné, là, allez juste faire un tour dans la section où est-ce que vous avez les localisations, là, où est-ce que genre, les logiciels demandent la permission pour localiser. Vous avez des espèces de cochonneries qui n'ont pas rapport, là, tu sais, des jeux. Ouais. Qui vous demande de vous localiser, des trucs comme ça. Et plus il y en a, bien plus il y a des demandes au téléphone, puis il est tout le temps en train de rouler pour savoir où est-ce qu'il est. Mm. Fait que moi, je vous dirais d'aller là-dedans, puis d'enlever le maximum de trucs, puis de juste garder vraiment ce qui est important. Si vous prenez une photo, puis que vous voulez qu'elle soit taguée avec la géolocalisation, vous le gardez, mais pas dans 18 applications photo, vous le gardez dans une application photo. Ah ouais, c'est sûr. Mais le GPS, ça tue, là. Ah, ça... ça tue, le GPS. OK. Voilà, c'est un petit truc. Il reste 8 minutes. On a le temps d'une autre question. Ouais, une petite dernière. Vite, hein? Oui, ça a passé vite. Je voulais terminer, encore de Maxime, je voulais terminer en disant que j'ai peur d'une perte d'autonomie ou d'une performance. Devrais-je faire la mesure? Ah, OK. Bon. On n'a plus de questions. pour revenir à la question du Mac Mini, Yann nous dit que ce sont pour des montages vidéo occasionnels. Donc, il va garder son Mac Mini. Ce qui nous a misleadé, c'est le fait que tu utilises un logiciel qui est considéré logiciel de type professionnel. Donc, peut-être que si tu allais vers Final Cut Express, ben, ça demanderait un petit peu moins de ressources à ton ordinateur, puis que ça y donnerait... T'sais, le fait que tu n'aies pas certaines fonctionnalités, ça pourrait être un peu plus manageable. Mais si tu veux garder le Mac Mini puis tu te demandes entre le SSD et la mémoire, moi, j'irais plus vers la mémoire que le SSD. Il est encore supporté Express? Ça se peut qu'il ne soit plus, par exemple, que tu ne puisses plus l'acheter. Peut-être dans certains magasins. Je pense que c'est juste le Pro. Je pense qu'il est encore là. Tu as peut-être raison. Ouais. Au prix qu'ils le vendent, là. Bernard nous dit qu'il se vend toujours. Ah, bon. Je sais pas s'ils le mettent à jour, par exemple. Ça m'étonnerait. Mm. Je voulais juste prendre quelque chose dans le document qu'on a monté. C'est sur Twitter, parce qu'on en prend là aussi des questions. Il y a Fabien Major qui était il y a quelques mois un invité au podcast. Et suite à la mise à jour à iOS 6.1.1, il a commencé à avoir des problèmes avec son compte Google configuré dans Mail. Et ce que ça faisait, c'est que ça lui demandait toujours son mot de passe, et même s'il rentrait le bon mot de passe, ça ne fonctionnait pas. Ce qui se passe, c'est que... Il était avec Exchange, lui? Non. Ah non? Non, il l'avait configuré en IMAP. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un CAPTCHA pour le quand tu vas sur Google, il y a un système de CAPTCHA si tu n'es pas en train d'utiliser l'interface Google. Et on les a dans les notes du podcast. On fera suivre le lien. C'est un truc sur le site iPhone Fac qui l'explique. Et ça dit d'aller sur un site précis qui est google.com/mail/google.com/account/display-unlock-captcha. C'est pour voir en fait les applications qui ont été barrées à cause du CAPTCHA. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en faisant la mise à jour à iOS 6.1, Google a vu quelque chose qu'il n'aimait pas. Ils ont révoqué le certificat. Et quand tu rentres le mot de passe, il n'y a comme pas d'interface qui te demande le CAPTCHA. Fait qu'il faut que tu ailles sur ce site-là et que tu dises « Non, c'est correct, cette application-là, je l'autorise à bypasser le CAPTCHA. » Le CAPTCHA, c'est les espèces de petits caractères bizarres qu'on est capable de lire une fois sur trois qui servent à vérifier que vous n'êtes pas un robot auprès des sites web. Mm-hmm. Donc, c'est un petit truc important. Hein? Même un humain, ça fait pas... On a de la misère aussi nous-mêmes. Oui, mais c'est quand même pour nous protéger. Fait que c'est un système de sécurité supplémentaire que Google a mis. La problématique, c'est comme on est sur une plateforme qui n'est pas chum avec Google, on s'entend, ben il n'y a comme rien qui te dit. Ça fait juste te dire, rentre ton mot de passe, tu le rentres, c'est le bon, puis ça te redemande ton mot de passe. Donc, c'est un peu plate parce qu'il n'y a rien vraiment qui te dirige puis qui te dit c'est quoi la problématique. Tu es obligé de fouiller, puis fouiller, tu sais, mail, Gmail, after. En tout cas, c'est un petit peu compliqué. Donc, dans les notes du podcast, vous aurez le lien vers ça. Puis si vous voyez quelqu'un qui a le problème, ben n'hésitez pas et partagez-lui les connaissances qu'on a partagées avec vous aujourd'hui. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle? Partagez-lui la bonne nouvelle. Oui, partagez-lui la bonne nouvelle. Je vais mettre une question qui m'est posée de Raymond Pelletier. Il me demande, depuis quelques semaines, l'utilisation de ta bande passante d'Exoputel, qu'en penses-tu? C'est pas depuis quelques semaines, c'est depuis un matin. Ah, OK. C'est depuis un matin. Parce que faut que tu le réserves. Je l'ai pris il y a deux semaines. Je pense que tu l'avais parlé justement au dernier podcast. C'est ça. Ouais. Mais... j'ai trois Ubuntu 10.80, 50 gigs chaque qui est en train de se downloader en background. Fait que, d'après moi, ça doit bien aller. une des choses que j'ai entendues, j'ai des chums qui ont fait des téléphones à Vidéotron et essayé d'utiliser justement l'offre de Distributel pour voir s'il y avait possibilité de négocier. Puis ils sortent de la bullshit ben ouais, chez Vidéotron. Là. Mais monsieur, vous savez, nous, on vous garantit la bande passante. Eux, ils ne vous la garantissent pas. C'est ton système qui utilise la grande. Il n'y a pas de raison que ça aille moins vite. Là, ben moi, c'est ça que j'ai dit quand que, parce qu'il passe au département un tel quand tu dis que tu veux te débrancher. T'sais. Puis là, ben, parce que madame, il passe sur votre réseau. Là. Fait que si votre réseau chie, je vais chier moi aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, je m'excuse, là, mais ça marche pas, là. Ah, ben là, maintenant, c'est ça. Mais oui, la vitesse est la même. J'ai gardé la même parce que Distributel ne vont pas plus que TGV 30 pour l'instant. Mais j'ai gardé la même. Ça me coûte 67$, mais j'ai illimité, là. Fait que là. Ça te coûte à peu près 5$ de plus par mois pour avoir de l'illimité. C'est bon. Parce que je pense que c'était 62$ ou 59$ chez Vidéotron. Non, pour c'était le même prix. C'était le même prix. C'était 66,95$. OK. Fait que... Excuse-moi, je suis pris avec le prix d'il y a deux ans, puis là, ils t'envoient des lettres que tu reçois jamais qui disent « On t'augmente de 3$ cette année. » Et puis, ils ont augmenté le téléphone en plus, hein? C'est vrai? Ouais, j'ai... À 22$, je pense. Oui, parce que je ne check plus mes messages sur Vidéotron, là. Puis, je checkais ça, puis ils ont augmenté le téléphone d'une pièce et demie, là. Hmm. Fait que moi, ça me coûte 20$, Puis j'ai tous les forfaits étoiles. J'ai toutes les étoiles, j'ai toutes. Là. Fait que, oui, j'ai un nouveau modem aussi. Fait que, le gars, à matin de Vidéotron, il est venu, puis il a débarqué le modem. Il dit, bon, OK, je m'en vais. OK. Allez. Bye. Fait que, j'ai branché l'autre. Ça a pris une demi-heure avant qu'il monte, là, parce que tu peux pas avoir deux adresses sur la même adresse. Fait que, non, ça fonctionne. Ça fonctionne super. Fait que, j'aime mieux le... Ben, c'est ça que j'ai aussi. C'est ça que j'ai. J'ai le voice over IP, là. Fait que, c'est un autre modem qui te passe en même temps. Fait que, ça va bien. J'aime bien ça. C'est la fin du show. Je tiens à remercier tout le monde qui nous ont écoutés parce que, ben, on a eu des questions pour tout le show ici. Ouais. Toujours plaisir, c'est très agréable. On fait ça pour vous, fait que bien content que vous l'appréciez. Un gros big up à tous les gars qui sont là, à tous les shows pour nous aider, nous donner de l'information, que ce soit Bernard qui anime plus avec nous, mais qui est comme en arrière-scène, puis qui est comme à defense, si tu veux. OK, vous venez de dire une niaiserie, check là. Que ce soit Patrick, que ce soit Jean-Michel, merci beaucoup les gars d'être là, ça fait très plaisir. Puis, que ce soit tout le monde qui se réponde dans le chat, on aime ça. Là. On pourrait fermer notre gueule, puis ils font juste se parler. Tu sais. Oui, c'est ça. Posez 3-4 questions, puis amusez-vous. Là. Sinon, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Fait qu'on peut me retrouver dans les internets illimités maintenant sur Twitter, à JFroy1979. Toi, Vincent? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller et sur mon site web, mon nouveau site web. Je me suis fait un nouveau site web. Oh yeah! Il y a des options que j'ai bloquées encore là, qui vont apparaître dans les prochains jours. Mais c'est ça, un petit site responsive. Là, très, très simple là, pour montrer mes projets que j'ai faits. Responsive, ça veut dire que si tu y parles, il te répond? Exactement. Cool, excellent. Bernard, il fait dire qu'on peut le retrouver devant sa télé en écoutant 19.2, Unité 9 et beaucoup d'autres. Ah ouais. Je m'excuse, mais j'en parlais avant le show. Là. 19.2 cette année, là, c'est malade. Là. Je m'excuse, là, mais à comparer de l'année passée, là, c'est du bonbon. C'était déjà une excellente série. C'est ça. Mais ça en est une meilleure. Vincent, excuse-moi, on t'a coupé. C'est quoi ton site web? C'est vmiller.ca, vmiller.ca. Ça vous transfère. Tu fais quoi là-dessus? Tu mets des photos de toi? T'as des shows vidéo le soir? Ouais, tapez pas XXX après parce que ça va dans une autre section, mais ça va sur mon compte personnel. Mais sinon, mettons que tu tapes pas ça, là, c'est quoi le front de ta business? En fait, ben là, erreur 404, je sais pas si c'est vraiment c'est vrai. Je suis développeur web et développeur iOS principalement. Donc, si vous avez une application à développer, allez me voir. Je suis extrêmement occupé. Là, je travaille sur beaucoup de projets en ce moment. OK, oui. Erreur 404 sur le XXX. Oui, c'est pas vrai. Là, ça transfère pas vers mon Tumblr personnel. Il est bloqué. Il faut avoir un mot de passe. Okay. Avec la voix super chaude. Écoute, Mélissa, reste en ligne. Vincent va jaser avec toi après l'émission. Pour ma part, quand je suis en ligne, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez me trouver aussi au alexiscornelier.com, site développé par mon ami Vincent Miller. Sinon, vous ne me retrouvez pas en ligne parce que je suis en train de jouer à Space Team. Et parlant de Space Team, restez à l'écoute du show. On va en parler au prochain show. On s'est bien marré cette semaine avec ça. On a eu du fun. Fait qu'on reste en ligne si vous voulez savoir ce qui s'est passé. On se reparle. On fait un petit 15 minutes de break, puis on revient. Oui, puis en plus, Vincent? On a des petits scoops sur la nouvelle application MQ Mobile. Oh, excellent. Tout ça dans le cadre du podcast Mac Québec. Je pense que vous cliquez sur Mac Québec Channel juste en haut du vidéo player, puis vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir aller jusqu'au podcast Mac Québec. Si vous êtes sur macquebec.com/ entre d'union direct, vous allez le voir en bas à gauche. Oui, parfait. C'est vrai. Donc, salut messieurs, et on se retrouve... en fait, on se retrouve pas dans deux semaines, on se retrouve... la semaine prochaine, ouais. On va être... Du live? On fait du live avec 350 mégabits. On va faire du live en temps. T'inquiète pas. On va avoir de la bande passante en masse pour faire ça. Donc, la semaine prochaine, en fait, suivez-nous sur les médias sociaux. On risque de faire une petite ou une longue diffusion en après-midi, peut-être jeudi prochain. On va être en direct du Web à Québec. En fait, Mac Québec, WAC Québec, la place. On essaie de voir si on se fait des caps d'affaires, des t-shirts, des petits chapeaux en pointu avec des banderoles dessus. Au revoir, les gars. À la semaine prochaine. Bye.